Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien que je vais effectuer en compagnie de Phil Hype. Ici David Lévesque au micro qui vous salue. Alors bonjour Phil. Salut et puis salut à tous. Oui, on salue toutes les personnes qui, bien entendu, vont écouter cet enregistrement par la suite. Donc c'est un plaisir pour moi de discuter avec toi là pour la première fois. Et aujourd'hui, oui. Ça fait plaisir parce que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai jamais pu, si tu veux, dans le passé, pouvoir exposer un petit peu ce que j'ai vécu. Donc là-dessus, c'est un petit peu un soulagement quelque part. Et pour ça, je te remercie. Donc, c'est excellent. À ce moment-là, c'est un plaisir qui est partagé. Donc, c'est sûr que ça va être un privilège pour moi de discuter avec toi de ton parcours de vie en relation avec ton processus de conscientisation que tu vis au fil des ans par rapport à ton existence. Donc, il sera notamment question de prise de conscience que tu as faite au fil du temps. Et pour débuter, bien, c'est sûr qu'on peut commencer par ton enfance parce que dans ton passé, de ce que j'ai compris, c'est que tu as été quelqu'un de précoce, c'est-à-dire dès l'âge de 8 ans, tu as consommé, entre autres, de l'alcool, là. C'est ça. Ah oui. Alors sur la précocité, c'est alors on va dire une vie qui veut démarrer très tôt et toucher un petit peu à tout, faire des expériences, mais effectivement très précoce. Alors c'est vrai que un jour, par exemple pour l'alcool, hein, on m'a fait goûter n'importe où et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça très bon. Ça me permettait de faire une expérience et de m'évaporer un petit peu, si tu veux, d'avoir des sensations qui ne sont pas connues. Et cela amène forcément après à renouveler les expériences, si tu veux, à ce niveau-là, au niveau alcool. Et d'arriver un jour à voir un petit peu plus loin, si tu veux, dans ce phénomène-là de s'échapper. Donc j'ai fait un coma éthylique à 12 ans. Alors c'était effectivement quelque chose qui m'a un petit peu après bouleversé parce que ça m'a amené, si tu veux, à voir la vie aussi sous un autre angle. Cette espèce de décalage qu'il y a entre moi et ce qu'il y a aussi à l'extérieur. Et c'est un des aspects. C'est pas facile d'en parler comme ça, si tu veux, ouvertement, parce que entre ce que je pense et ce que je dis, il y a aussi une petite chose qui fait que ça remonte, si tu veux. Hein, et j'ai pas l'habitude non plus de m'exprimer comme ça. Ça va passer de 2 minutes, 3 minutes, ça ira. Voilà, je te parlais de l'alcool, donc c'est quelque chose qui a été voilà très précoce, hein. Et c'est au niveau aussi de l'attirance vers le féminin. J'ai eu un coup de foudre à l'âge de 10 ans. C'est plutôt jeune. Oui, donc c'est très précoce. Il y a une espèce d'attirance comme ça pour le sexe opposé. Qui était très forte, et puis de connaître un petit peu ce que pouvait procurer la sensation d'embrasser par exemple une fille. Alors c'est une énergie en fait, c'est une énergie, ce coup de foudre-là qui où tu le ressens intérieurement très très fort. Il y a quelque chose de particulier, et plus c'est vécu jeune, plus c'est fort, parce que oh, c'est indescriptible, hein. C'est quelque chose de personnel là que je raconte. Je crois bien que je n'ai jamais raconté à personne comme ça, et je le fais comme ça en public. Donc, c'est pour montrer un petit peu le phénomène de la précocité. Et tout ce que j'ai fait comme ça durant ces années d'enfance jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'adolescence, ça a été des découvertes, des expériences. Il fallait que je touche à tout, à faire des bêtises, évidemment. Voler dans les magasins, la sensation que ça donnait de braver l'interdit, toutes ces choses-là. Donc, généralement, des choses que l'on fait plutôt à l'adolescence, hein, ou qu'on découvre à l'adolescence. Et toutes ces expériences un petit peu précoces m'ont permis d'aborder l'adolescence avec plus de facilité aussi. Parce que je ne voulais pas forcément renouveler, si tu veux, certaines choses. Hein, il y a des choses, bon ben, c'est vu, j'ai fait la bêtise, le coup de foudre, j'ai jamais eu ça après, c'était fini. Donc après, les expériences avec les filles, les femmes, ma femme, tout ça, je n'ai pas retrouvé cette énergie-là. Et c'est comme si j'en avais plus besoin quelque part aussi, et passer aussi à autre chose. Bon, ça permet de rester froid quelque part. Souvent, c'est des phénomènes comme ça que l'on a envie de revivre, revivre, revivre la même chose. Excuse-moi, voilà. C'est des états d'âme, quelque ce qu'on appelle comme ça, un petit peu. On a envie, on n'est pas satisfait et on recommence souvent la même chose. Non, moi, ça, c'est vu, il fallait que je fasse autre chose. Bon, ce que je dis, c'est un peu paradoxal parce que il y a l'alcool, les drogues, là, il y a un phénomène d'accoutumance. Donc, cela, ça m'a accompagné, des années, et le fait de échapper à sa condition, la réalité, la dureté, l'ombre, faisait que j'étais plus tranquille. Voilà, plus tranquille au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc c'était. Mais permets-moi de t'interrompre, là. De ce que je comprends, c'est que tu as expérimenté plusieurs choses de manière quand même assez précoce. Donc, ça t'a amené à développer rapidement une conscience expérimentale, donc dans la matière. Voilà, mais ça, enfin, c'est pas conscient. Hein. Je fonce. Il y a cette envie de faire plein de choses, mais pas des choses. Enfin, c'est des choses qui sont très reliées au physique. C'est des choses qui sont très reliées à des énergies physiques. C'est ressentir les choses profondément. Bon, il y a une hypersensibilité qui se cache là-dessous. Maintenant. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps parce que j'ai jamais étudié, j'ai jamais personne qui m'a parlé de façon explicite sur des personnes qui sont un petit peu différentes, tu vois. Et Oui, donc ben ça justement, là, j'allais y venir parce que des fois, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont hypersensibles, par exemple, vont se réfugier soit dans la drogue ou l'alcool pour s'amortir un peu puis anesthésier la trop grande quantité de perceptions qui ont de la difficulté à traiter parce qu'ils se sentent agressés par leur environnement compte tenu du fait qu'ils captent beaucoup des choses à différence de d'autres personnes qui sont moins perceptibles. Tout à fait. Il y a cette envie, comme tu dis, alors par rapport à ton savoir, à tes connaissances là-dessus. Effectivement, c'est ça. C'est aussi se préserver quelque part, soi-même, hein, de l'agression extérieure. Et ça, je pensais pas que c'était ça, parce que si tu veux, je me suis jamais considéré différent des autres. Il fallait que je m'adapte. Les autres, peut-être, ont quelque chose comme moi. Peut-être qu'ils sont pas comme moi, chacun est différent, donc je m'adapte, toujours, toujours, toujours. Et donc voilà, en plus je suis bien content de pas avoir été catalogué, quelque chose comme ça, très tôt. J'aime pas les étiquettes. Mon parcours, je dois m'adapter, coûte que coûte. Ça, y a pas de souci. Je suis gaucher, à l'époque il n'y avait pas de ciseaux pour gaucher, tu vois, des choses comme ça. Ah, Je ben m'adapte. moi, je suis gaucher également en passant. Donc tu vois, il y a déjà des choses comme ça. Oui. Encore à la génération, c'était pas trop, peut-être. Ben moi, étant un peu plus jeune que toi, j'ai eu la chance quand j'étais jeune d'avoir un ciseau pour gaucher. Ah ouais, tu vois, ça j'ai jamais vu. Tu sais quoi du coup? Bah, je fais toute la main droite, tout ce qui est taille d'arbuste, tout ce qui est petit travail de finesse, c'est la main droite qui a pris le relais. Et je ne peux pas faire avec la main gauche pour qu'il y ait une adaptation. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es ambidexte? Alors, oui, par contre, je ne peux pas. Si tu veux, au niveau des autres choses, je fais tout de la main gauche. Quand tu es jeune, tu peux t'adapter, mais après, c'est trop tard. Voilà, tu t'adaptes pour certaines choses, et puis après, tu peux plus, justement, t'es moins, et même, psychiquement, t'es moins malléable, pour faire ces choses-là, quoi. Mais C'est par rapport au gaucher, la main gauche est associée à l'hémisphère droit du cerveau qui est en relation avec l'intuition, la créativité, Ah, plutôt que je l'aspect rationnel et cartésien. Fait que, tu sais, comme ouais. pour moi en tant que gaucher, puis je sais que c'est la même chose pour d'autres personnes, tu sais, je pense entre autres à ma mère qui est gauchère, c'est comme on va donner plus d'importance à l'intuition, à la captation d'une vibration, la sensibilité, plutôt que l'aspect rationnel ou logique en priorité. Mais bon, c'est sûr que c'est une théorie qui a été amenée par la psychologie, là, faut en prendre et en laisser, là, mais bon. Sinon, j'étais curieux de t'entendre un peu, parce que en préparation à l'enregistrement aujourd'hui, tu mentionnais que, bon, rendu à 18 ans, tu consommais du LSD, fait que, en termes de Oui. drogue, t'augmenter, ouais. Oui, les drogues n'est plus secret pour moi. Et ce que je ne t'ai pas dit non plus, c'est que ma mère était médecin. OK. Et donc j'avais accès à la pharmacopée, comme on dit. Et je testais les médicaments sur moi. C'est-à-dire, une fois, j'ai fait un truc horrible. J'avais pris des amphétamines, si tu veux, c'est des coupes fins. Hein, les coupes fins, je pense pas que c'est très utilisé maintenant, mais à l'époque, dans les années 80, c'était quelque chose qui était très utilisé par les femmes pour maigrir. Hein, ça coupe l'appétit et c'est des amphétamines, hein, en quelque sorte, chimiques. Et je testais ça avec des calmants, des anxiolytiques. Alors, c'est un mélange à jamais faire, parce que tu pleures tout le temps, tu te bouleverses avec ces molécules-là, tu vois, c'est opposé. Bon, tu vois, ce genre d'expérience un petit peu affolante, parce que pour ma mère, c'était affolant, parce qu'elle était obligée de voir au bout d'un moment. Et là, j'avais pas 18 ans, j'avais 15, 16 ans. Et je testais tout et tout et tout, et tout, LSD, héroïne, tout ce que tout. Voilà. La colle à boyaux, l'essence, tout y est passé. Et c'est fuite en avant de sortir de la condition où je me sentais vraiment pas du tout adapté, si tu veux, à mon environnement. Voilà. Mais ça fait beaucoup de gens. C'est voilà, mais avant, ça c'était pas détectable, si tu veux, je devais m'adapter. OK, Donc puis il y a eu cette oui. précocité là, voilà, souvent que tu retrouves aussi un petit peu plus tard. J'ai un petit peu fait tout trop tôt quelque part par rapport à la normale, quoi. Mais qu'est-ce qui est normal, je pourrais pas te dire. Oui, exactement. Le concept de normalité est extrêmement discutable parce qu'après tout, d'une époque à l'autre, ça va fluctuer. Mais Oui. bon, sinon, ce que j'avais compris, c'est que tu étais quelqu'un plus de type individualiste, rebelle quand tu étais jeune. Tu voulais pas faire les choses puis suivre les autres ou les professeurs, C'était pas possible. là. J'ai une petite anecdote à te dire. Oui. Si tu veux, je lisais tout, par exemple, sur les Indiens des plaines, des choses comme ça, et je voyais la liberté, je voyais la poésie, la vie quelque part, tu vois. Et ça me manquait, ça me manquait et je me disais, c'est pas possible de vivre comme on vit, c'est contre nature. Et un jour, je portais comme ça un collier, ça devait être en CE2, donc je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, oui. Je portais un collier, c'était un aigle totémique. Et puis, l'enseignant m'a dit, on n'accepte pas les signes religieux en classe. J'étais bouleversé. J'étais vraiment bouleversé. C'était pas une croix, c'était pas, je sais que c'est laïque, mais c'était juste pour moi, me sentir peut-être différent, tu vois, mais ça n'a pas été apprécié non plus. Donc c'est des choses, tu vois, ce genre de petites choses qui te marquent. Oui, parce que ça t'a amené à vivre une forme de rejet. Ah oui. En plus, j'avais, tu sais, j'ai les cheveux très longs, Mais à l'époque, c'était courant dans les années 70, hein, de porter les cheveux longs, tout ça, mais c'était ma fierté, mes cheveux. Ouais, mais là, t'as les cheveux très courts, fait que ça a changé. Bah, quand j'ai commencé à les perdre, j'étais un petit peu malheureux, c'est vrai. Ça, c'était une partie de moi, mais bon, on s'adapte. Non, ben, je comprends, mais sinon, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu étais quelqu'un d'assez rebelle, puis paradoxalement, tu t'es retrouvé à faire ton service militaire. Ah là, m'en parle pas. Alors le service militaire, c'est 18 ans, 19 ans là, c'est désertion, c'est passer la moitié du temps en tôle, quoi, comme on dit chez nous là, en tôle, et puis la boisson, bah, alors là-bas c'est affreux, quoi. Donc c'est vraiment là c'était une année, parce qu'on passe une année là en France, une année où ça a été vraiment la totale, quoi. D'ailleurs, à la sortie, je savais plus quoi faire, parce que je me sentais vraiment entre quatre murs. Mais qu'est-ce que je vais faire s'il y a l'autorité partout? Alors ça, c'était compliqué pour moi, c'était d'essayer de naviguer entre les boulots où il n'y a pas trop d'autorité, les occupations où on foutrait la paix, tu vois. Et donc là, forcément, ces 18, 19 ans, 20 ans, ça a été une période terrible. Parce que, Mais est-ce que tu étais obligé de faire le service militaire? ouais. OK, Ça parce allait que être obligatoire, ouais. nous autres au Canada, le service obligatoire militaire n'existe pas. Donc les gens, il y en a qui vont dans l'armée, il y en a d'autres qui y vont pas, mais c'est pas obligé. Donc moi, je suis sûr que je suis heureux de pas avoir eu affaire de service militaire parce que je suis très individualiste, ça aurait pas marché. Ah, ça c'est clair. Et de toute manière, quand je vois un petit peu, je connais pas trop bien vos institutions ou des choses comme ça, parce que dans le fond, pour moi, c'est ça se rapproche un peu partout. Mais je peux te dire qu'en France, c'est beaucoup beaucoup plus fermé, beaucoup plus dur au niveau de l'éducation. Il n'y a pas de valorisation des gens, et ça depuis 30, 40 ans, ça n'a pas évolué. Et le pays se bloque à ce niveau-là. Et n'évolue pas, il n'y a pas de prise de conscience. Et je dois m'adapter encore à ça. Mais tu vois, toujours l'adaptation. Et l'adaptation, ça sort des tripes. Ça sort, c'est des énergies. Des énergies que je dois maîtriser actuellement pour pouvoir, si tu veux, être le plus clean possible. C'est ça l'intégralité, c'est d'être adapté à son monde et de pouvoir. Il y en a qui parlent de divergence. Bon, ok, mais moi, je ne prendrai pas cette étiquette de divergence. C'est pas possible. Les divergences, ce sont les autres. Quand tu commences à avoir une vision de vie qui serait agréable pour tout le monde, c'est pas moi le divergent. Quand même, c'est ça qui est fou. Ben, Et c'est sûr que ça peut tu vois? être discutable, le concept des divergents, là, bien entendu, là. Une étiquette, alors en plus Oui. la drogue, le sexe trop tôt, enfin, c'est pas du sexe, c'était foudre à 10 ans, t'as pas de sexe. Mais bon, voilà, c'est la découverte du monde. Alors je sais que c'est pas normal pour la société, et que ce que tu veux que je te dise là-dessus, bon, c'est comme ça, voilà. Hein, j'ai pas trop envie de revenir, tu vois, trop sur le passé, on pourra le faire tout à l'heure si tu veux. Hein, Non, non, mais justement, je voulais y aller progressivement avec toi, là, mais on peut poursuivre parce que après avoir fait ton service militaire, par Ah la oui. suite, tu as Après eu. Ouais, je vais te laisser parler. le service, après c'est très dur, t'es paumé, hein. Oh là là, j'ai jamais eu à l'époque une assise, des repères, si tu veux, familiaux, des choses comme ça. J'avais pas confiance, ça partait en vrille de tous les côtés. J'avais pas confiance, si tu veux, dans mes parents, j'avais pas, et mes frères, on était un petit peu tous désœuvrés, quoi. C'était quelque chose de chaotique, hein, au niveau de la vie familiale. Donc, à partir de 15 ans, tu sais, j'étais plus chez moi. Donc, J'avais pas trop de repères. Hein. On s'arrangeait comme on pouvait. Je dormais où je pouvais. Voilà, je me souviens plus de tout. C'est très compliqué cette époque-là. Hein. Très perturbé. Ouais. Très perturbé. Et puis, les adolescents, c'était rock'n'roll. Hein, comme je te disais, c'était toujours la drogue, des choses comme ça. Mais alors, au niveau des filles, zéro. Zéro. Parce que, comme je te disais, tu vis un coup de foudre. Je vois plein d'ados, des ados là qui sont amoureux des uns des autres, qui vivent une relation, tu sais, qui vient, qui s'attire par magnétisme en quelque sorte. C'est ça, c'est loulou, ça, c'est quelque chose de très fort. J'ai plus rien. C'était passé ça. Je sais quoi, je trouve pas ça. Je les vois. Tout ce qui m'intéressait, c'était baiser. Ben alors, je peux te dire que là. Hein, les filles, elles n'étaient pas d'accord. Hein, elles ressentent ça. Et donc, bah voilà, c'était comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de garçons qui sont comme ça, qui déconnent, qui aiment bien juste sortir pour sortir, avoir une copine comme ça. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Hein. L'adolescence, elle était minable hein, là-dessus. Je te rassure. Voilà, donc, bon, allez, les copains. C'était les copains. Et puis voilà, quoi. Puis Là, oui. c'était un petit peu avant et après l'armée, évidemment. Bon, mais c'était fun hein, quand même. Bon, voilà. Bon. Je regrette rien. Il y a rien de dramatique dans la vie. Hein. Tout doit être pris très légèrement parce que sinon, ça peut être catastrophique. Voilà. Non, c'est ça. De toute façon, tout à quelque part sert. Les expériences qu'on vit dans notre passé peuvent servir à construire la personne qu'on devient maintenant. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a cette relation au passé, mais à partir du moment où il y a prise de conscience. Et puis là, tu peux faire un récapitulatif de tout ce que tu as vécu et te pardonner. Te pardonner de voir les choses sous un autre angle. Et puis il y a des gens qui t'aident aussi pour ça parfois. Tu rencontres des personnes. Hein. Bon, ben, qui sont évolués, qui écoutent les autres correctement, qui te ressemblent aussi. Hein. Bon, ça s'est fait récemment. Rencontrer comme ça, c'est marrant, c'est des Canadiens, c'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ben, c'est sûr que la conscience supramentale va partir du Québec pour ensuite être diffusée dans le reste du monde. C'est sûr Oui, que oui. c'est ça. Oui, il y a une source de départ. Ça, je l'avais bien vu. Mais ça, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure un petit peu, Oui, si tu exactement. veux. Hein, parce que là, j'aimerais beaucoup te parler un petit peu. Bon, après, si tu veux, je vais te dire le reste du parcours jusqu'en 2010. Oui. Donc, à 22 ans, j'ai connu ma femme. C'est comme si c'est une époque charnière, c'est-à-dire bon, j'arrête de délirer parce que ça mène nulle part de toute manière, ça détruit plus qu'autre chose. Je le ressens physiquement, psychiquement, c'est pas bon. J'en étais conscient. Hein. Et donc, faut pas aller trop loin non plus dans le désœuvrement. Hein. Moi, lire Baudelaire ou des choses comme ça, c'est pas mon truc. Donc, il y a eu réaction, j'ai connu ma femme, on a eu deux garçons, on a travaillé, elle est institutrice, alors jamais eu de relation correcte, si tu veux, avec des instituteurs, tu vois, là-dessus encore, c'est rigolo, ça, elle est institutrice, et parfois je vois, mais elle est gentille, c'est une bonne institutrice, c'est quelqu'un qui a du ressenti tout de même, tu vois. Donc, vraiment, pour moi, c'est important, les femmes, là-dessus, sur ce qu'elles ressentent et sur ce qu'elles expriment et les silences, parce qu'elles t'écoutent. Elles t'écoutent et elles savent ressortir. Si, elles savent certaines, pas toutes, hein, mais ressortir le meilleur de toi-même. Très important, ça. Voilà, tu vois, bon. Donc, cette vie-là, donc, le mariage, les enfants, ok, tu m'entends là? Oui, je t'entends toujours. Ok. Voilà. Mais c'est pareil. Je fais l'expérience de ça. J'étais précoce. Et à un moment, je me suis lassé. Je dis, c'est pas possible, je bosse comme un con. On fait des choses, les enfants grandissent, c'est OK, tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait gardien d'enfants, j'ai voilà. Et il y a un moment, j'en ai eu marre, et il y a quelque chose qui s'est passé en moi à ce moment-là. C'est en 2010. OK. En 2010, je travaillais, et à un moment donné, tout a commencé par des étourdissements. Je connaissais pas ça, ce genre de choses-là, des choses comme des spirales dans la tête qui te mettent KO là d'un coup, une perte son énergie vitale, si tu veux, des mal aux intestins, j'arrivais plus à aller à la selle, des choses comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Genre j'ai un cancer des intestins, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Souvent c'est des dégradations comme ça qui amènent à la maladie. Donc je me suis posé des questions. Et puis ça a duré, pas tout le temps, mais par période. Et ça m'a affecté beaucoup, c'est au niveau des relations avec les autres. Parce que quand tu es comme ça, quand t'es pas bien, que t'es irrité, j'en voulais, si tu veux, aussi aux autres, de pas être, si tu veux, de pas être à niveau quelque part, dans la discussion, dans la perception du monde, et Donc, être autrement dit, tu vivais une forme dans le de plaisir, crise ils sont trop dans le existentielle. plaisir, tu vois, Comment? trop dans le plaisir de s'amuser, Oui. d'obtenir tout le temps quelque chose pour eux, pour le plaisir. Je dis, c'est pas ça la vie, c'est pas possible. C'est pas possible, là. C'est une prise de conscience, hein. C'est pas possible. Et ça a duré comme ça a duré 2011, 2012, 2013. J'ai pu me libérer, si tu veux, un petit peu. J'ai retrouvé un petit peu ma jeunesse. Je dis, il faut que je change de vie, faut que je sorte, des choses comme ça. Donc, sortir, aller au concert, des choses comme ça m'a fait énormément de bien, parce que c'est ça aussi un petit peu la liberté dans la matière, c'est de pouvoir avoir un peu de plaisir. Ben oui. Un peu moi quand même. Je trouvais que les autres en avaient trop. Je regardais ça, je dis, mais ils pensent qu'à ça. Je dis, moi aussi, j'ai le droit de m'amuser. Alors, je vais m'amuser un petit peu, et ça m'a fait du bien. Voilà. Il y a quelque Exact. chose de spartiate en moi. Quelque chose de, où je peux me, je peux, je te dirai par la suite, mais Oui. vivre des choses et n'avoir besoin de rien. Voilà. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc, OK, mais avant de passer à autre chose, c'est parce oui. que ce que je comprends, c'est que tu as vécu une forme de crise existentielle. Ah ben, toute ma vie, c'est une crise existentielle. OK. Toute ma vie, c'est ça. Il y a des remontées, des émotions qui remontent. Alors tu les freines, tu les annihiles, l'alcool annihile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah ben, être mauvais pour à l'extérieur, c'est-à-dire prendre l'autre pour fautif. Voilà, tout ça, tout ce qui fait que les gens vont pas bien. Et il y a un moment, ça prend des proportions où tu te dis, ça va pas aller. Il y a quelque chose qui passe pas. Hein, Mais j'ai jamais été conscient qu'il y avait quelque chose qui pourrait me sortir de là, tu vois. Donc il y a eu un trop-plein, vraiment un trop-plein. Il y a eu et là ça n'a pas été du tout. C'était en 2014. oui. J'ai commencé à ressentir des choses au niveau, si tu veux, derrière l'oreille gauche. OK. Des pressions. Je dis, c'est pas possible d'avoir aussi mal. Et je ne peux plus là. Là, il faut que je fasse un break. Là, je suis en train de perdre pied. Et donc en 2014, j'ai arrêté de travailler. Je ne pouvais plus travailler. Donc j'avais pas de chômage, j'avais rien. J'avais rien. Et là, en 2014, j'ai commencé à voir avec tous les médiums, des choses comme ça, du New Age, voir ce qui pouvait être intéressant. J'ai encore décortiqué le tout, tu vois. Décortiquer, lire très vite, ressentir, ça je sais faire. Ressentir, tu vois, mon corps est toujours en éveil. Tout mon être est en éveil. Et c'est pour ça, voilà, on en arrive. Quand tu as tout ton corps en éveil, tous tes sens en éveil, qui demandent d'être réveillé, quand tu as une prise de conscience, c'est terminé, tu es obligé de foncer. Alors là, je vais te dire un petit peu ce qui est arrivé. Donc en 2014, hein, je te parlais des fortes douleurs, là, quoi. Donc je suis obligé de rester chez moi et de faire une introspection intégrale. Alors ça a commencé comme ça. Un jour, j'étais allongé et j'ai senti une forte énergie qui rentrait dans la poitrine, quelque chose qui me réveillait de l'intérieur, quelque chose de très fort. Voilà. Je me suis mis debout et j'ai été voir ma femme et je lui ai dit, il m'est arrivé quelque chose qui va me faire renaître. Et donc, elle m'a regardé, bon, bah, écoute, c'est bien. Et là, ok, je dis, bon, ben, je vais garder ça pour moi. De toute manière, je ne peux pas faire autre chose. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Voilà, ça a commencé comme ça. Hein. J'étais tranquille chez moi. Tu vois, descendre de pression. Quelque chose où tu es dans ton foyer, où tu te sens un petit peu comme dans un nid, si tu veux, à l'abri. Hein. C'est un peu ça. Mais je t'interromps ici. La descente d'énergie que tu as vécue, est-ce que tu pourrais Oui. dire que c'est celle de l'esprit qui est entrée à l'intérieur de toi? Je te parle des énergies pour l'instant. On pourra y revenir plus OK, tard. c'est correct. C'est, hein. Après, c'est un ensemble. Hein. Il y a... Donc après, pas longtemps après, Oui. à un moment, mes mains qui commencent à s'engourdir, une chaleur qui rentre dedans. Et oh là, je dis, mais c'est spécial ça. Les pieds, pareil. Mais là, ce qu'il C'est faut quoi? dire, c'est que ces manifestations-là physiques que tu as connues, c'est pas en lien avec la consommation de drogue, là. Ça n'a aucun rapport. Il y a longtemps que je consomme plus de drogue. OK, ben c'est ça que je veux préciser avec toi, parce que quand les gens vont écouter ça, ils vont se dire, ben peut-être que le type, il Allez, était. tu fais, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Bon. Le gars, il est pas bien, il fabule, tout ça. Bon. Non, non, la drogue, tout ça, c'est, je peux même plus en consommer. Je bois plus d'alcool, je peux plus, je regarde un verre, je peux pas. C'est pas, c'est, ça me, Parce que toi, j'y arrive t'as arrêté de consommer de la drogue, pas. c'est ça, mais en quelle année? La drogue, très tôt, OK. ben, j'ai fait l'expérience avant que je me marie, j'avais arrêté, c'était bon. Le cannabis à outrance, les expériences, tout ça, c'était fini. J'ai repris de l'alcool après, c'est quelque chose qui est particulier, j'ai une faiblesse à ce niveau-là, donc il fallait que je fasse très attention à ça. Et il y a des moments, quand il y avait un trop plein d'émotions, je picolais, ça donne du courage, ça détend, ça. Bref, c'est un truc, c'est un fléau, quoi. Mais voilà. Mais maintenant, c'est rien. Je peux pas. Je regarde un verre de vin, j'en peux Non, non, mais pas. c'était juste pour clarifier, pour que quand les gens, ça soit pas mal interprété tes propos. Donc, en 2014, quand tu as vécu des expériences au niveau de changement physique, c'était à une époque où tu consommais pas d'alcool ni de drogue, là. Non, non, non, non, non. OK. Je vais te laisser Donc, continuer. voilà, c'est des chaleurs intenses là dans les mains, dans les pieds. Par la suite, c'est tout le corps. C'est-à-dire pas dans une position, tu sais, de méditation. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu t'allonges et oh là là, ça rentre partout dans le corps, ça rentre à l'intérieur. C'est très très agréable. C'est hilarant. C'est quelque chose qui te met dans un état de bien-être intégral, tu vois, mais vraiment bien, c'est vraiment bien. Et ça revenait souvent, tu vois. Je vais passer, tu vois, de ça, voilà. Mais juste t'interrompre, par rapport à ces expériences-là que tu as vécues, ce qui est important que les gens sachent, c'est que tu n'as rien fait de manière active pour les provoquer. Tu n'as pas fait de technique de méditation, de respiration avant que ça arrive. La seule technique que j'ai utilisée, c'est avec mon maître. C'est puissant. Il y a un moment, tu t'accroches à la vie. Même si tu survis, il y a un moment donné, il y a autre chose. Il faut que ça sorte. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il sorte et tout. Mais là, c'est très astral. Là, quand je te parle, c'est quelque chose où j'avais commencé à lire l'astral, à aimer l'astral par rapport à, si tu veux, l'astral, pour moi, c'est une éducation de vie, c'est-à-dire de principes de vie que moi, j'ai jamais eu. La bonté, des choses tu dois respecter l'autre. Religion, jamais entendu parler. Donc, Mais ça, c'est en lien plus avec la haute astralité, là, alors, oui. l'astral, bon, pour l'instant, je connais bien. OK. Je connais bien. C'est pour moi, c'est un film d'horreur humoristique. Ils sont débiles. Honnêtement, ça tient pas la route. Et donc, moi, j'ai pas peur. Si tu veux, il y a plus de peur en moi. Il y a pas de. Je flippe pas. Voilà. Il y a un moment, psychiquement, tu sais comment détourner les choses. Le LSD apprend aussi à ça. Un petit peu, ça m'est resté. Si tu veux, au niveau du subconscient ou de l'inconscient, je sais pas, mais ça se ressemble. Les drogues, les hallucinogènes, tout ça, il y a quelque chose qui te rapproche de l'astral, hein, déjà. C'est comme ça. Et voilà, où j'en suis, oui, bon, alors, tu veux que je continue sur les énergies? Oui, bien sûr. Okay. Donc, voilà, donc, il y a un moment donné, j'ai le corps qui commençait à se balancer d'avant en arrière. Et vraiment, c'était pas le corps physique, c'était autre chose qui poussait. Et je voyais la vue aussi qui se dédoublait un petit peu en même temps, des choses comme ça. C'est très particulier. Je te parle des énergies, si tu veux là, je ne te les interprète pas. OK. Hein. OK? Parce que si tu veux, si je commence à les interpréter, on sort un petit peu du sujet. Parce qu'il y a, je sais ce que c'est. Hein, bien sûr. Après, j'ai vu. Bon, voilà. Donc, tu as ces effets de balancement là. Alors, voilà. Il y a un moment, tu peux un peu contrôler ces énergies-là, si tu veux tout ça, et puis rentrer ce qu'on appelle, tu sais, un peu le samadhi, ce que font les saints en Orient, tout ça. C'est-à-dire que tu as une énergie et tu as envie de la garder pour toi, comme ça, c'est bien, super bien, tu as besoin de rien. Tu peux même oublier de manger, tu peux oublier tout ce qui est autour de toi, t'es super bien. C'est une expérience, ça aussi. Ben, est-ce que ça t'a amené justement à vivre un peu ce qu'expérimentent les gens qui font du jeûne pranique, c'est-à-dire te sentir Non. rempli? Dans le jeûne pranique, tout ça, j'ai essayé, si tu veux, un moment de voir ce que ça donnait au niveau de faire un jeûne déjà, hein, OK. pendant 24 heures, c'est pas possible. C'est pas mon truc. Physiquement, je peux pas. Si tu veux s'épurer comme ça par rapport à un jeûne, ça, non, c'est pas mon truc. Il paraît que ça fait du bien. Après, le prana, c'est autre chose. Manger du prana, moi, j'aurai toujours la sensation de faim. Donc, j'ai pas envie de souffrir non plus, puisque je souffre. OK. Pour moi, c'est non. Il y a, genre, j'aurais pu, mais j'ai pas envie d'initiation sur l'initiation sur l'initiation. J'ai pas envie de cristaux, j'ai pas envie de machin, tout ça. Je fais ça tout seul, c'est personnel, quoi. Et à un moment donné, tu te prends en charge et puis tu lis ce que tu as à lire. Tu fais confiance à ce moment-là. Quand tu as ces énergies-là, si tu fais confiance, tu les vis, tu sais pas trop ce que c'est, mais en même temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas te faire de mal, tellement que c'était pas bien avant. C'est ça pour moi, qui est important, c'est de conscientiser, de ne pas en avoir peur et de les prendre en amour, quelque part. Tu vois, ces choses qui m'arrivent, parce que je sais que c'est un changement pour moi. Je sais qu'il y a des choses qui doivent changer dans un corps, dans tous les corps, d'ailleurs, tous les corps que tu as. Mais Donc, t'as, par rapport à ces oui. énergies-là qui tu sentais qui te pénétraient, qui descendaient à l'intérieur de toi, est-ce que tu pouvais communiquer télépathiquement avec elles? Non, ça OK. m'intéressait pas non plus. Je laisse, c'est un travail, c'est un travail d'épuration, ça. C'est le corps qui, si tu veux, bon, dans ces énergies-là, ça va même dans les dents. Tu sens un circuit dans les dents. Tu sens un circuit dans les testicules, comme des aiguilles, comme de l'acupuncture, sous les aisselles, dans l'aine. C'est comme une opération que tu fais par toi-même et avec d'autres énergies. Et tu laisses faire. fais confiance. Il y a un moment, j'avais du mal à marcher à cause du sacrum derrière le dos, là. Je ne pouvais plus me mettre debout. C'était trop douloureux, si tu veux, des choses comme ça. Bon, la nuit, dès que je me couche, tu sens les énergies qui viennent t'aider, te réconforter, tout ça. C'est toujours. Là, j'étais en communion aussi avec un peu l'astral, si tu veux. Mais peu importe, hein, astral ou pas, les énergies, de toute manière, une énergie, c'est une énergie. L'astral ou pas, que l'astral connaisse ce système d'énergie, c'est des énergies qui sont indépendantes, sauf que l'astral veut justement, à ce moment-là, je ne sais pas comment ils font, mais certainement dans l'hypersensibilité, il y a un moment tu as besoin d'aide, et donc quand tu lis ou que tu écoutes une canalisation, quelque chose de, quand tu lis psychiquement, si tu y mets de l'intérêt, tout ton âme, comme on dit, tu vois, ça vient vers toi. J'ai vécu des trucs pas possibles là-dessus. Ça vient vers toi et tu te sens bien. Et t'es chapeauté. Oui, Oh, ben t'es chapeauté. ça peut, dans le fond, quand on écoute quelqu'un qui canalise, on peut rentrer en état de résonance interne avec l'énergie qui canalise. Ça, c'est tout est énergie. Donc, à ce moment-là, t'es réceptif, il n'y a pas de problème. Hein. T'es une radio, hein, ça, Bernard l'a bien dit. Voilà, ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais tu perds jamais, moi je perds pas le nord, si tu veux. Vu mon parcours, je peux que me rebeller à un certain moment, donc je l'ai fait aussi, hein, par rapport à tout ça, à tout, Mais justement, est-ce que tu t'es rebellé par rapport au fait que tu veux des entrées d'énergie? Ah non, pas ça. OK. Parce que si tu veux, les énergies, quand tu vois par exemple un yoga, un mec qui fait de la contemplation, en samadhi, voilà, lui, il va rester dedans, parce qu'il est bien dedans. Pour lui, c'est peut-être une finalité. Mais moi, c'est pas ma culture. Ah, ben moi non Et plus, je suis un occidental. Donc, mais c'est sûr que c'est intéressant de ce que tu parles par rapport au descente d'énergie, parce que beaucoup de personnes peuvent en vivre. Moi-même, j'expérimente des états parfois où ce que je sens l'énergie de l'esprit qui descend sur moi, puis se superpose momentanément à moi. C'est comme si je devenais une coquille qui est pleine, puis après ça, ben il s'en va, puis il y a un va-et-vient des fois qui s'opère. ça rentre par le haut du crâne? Oui. Ok. Je Là, il y a un. le perçois comme ça, où l'énergie, des fois, c'est comme global. C'est comme si je suis pas habité, puis là, oups, je me sens habité, puis ça va teinter ma parole. Il va y avoir un phénomène où c'est comme si, comment dire, c'est comme si momentanément, je passe de quelqu'un qui est une coquille vide, plus amorphe, plus mou, puis là, je suis comme électrifié. C'est comme si on me branche un courant électrique. Oui. Alors l'électricité, oui. Alors il y a, si tu veux, quand tu mens, quand tu as le, quand ça vient par le mental, par la tête, par le cerveau, Oui. hein, il y a cette, moi j'ai ces effets-là. J'ai des sons déjà. Tu vois, mes oreilles sont pas loin du cerveau. J'ai des sons, des sons très cristallins. Il y a un moment, c'était des bruissements, des bruissements. C'est pas des acouphènes tout ça, je le sais. Et des sons cristallins, une oreille, ça passe dans l'autre. Je capte, hein, comme ça, des sons. Parfois, je ne sais pas trop quoi en faire, je laisse. Mais il y a parfois des réponses après. Mais si tu veux, je les trouve moi-même. Hein. Là, je ne vais pas te dire, je vais pas fragmenter tout ça, esprit, âme, ego, tout ça. Il y a un moment, tu es un petit peu en. Tout ça, c'est bien orchestré, si tu veux. Hein, dans moi, c'est vraiment bien orchestré. Hein. Et par contre, les yeux, je vois des choses. Je vois, si tu veux, des espèces de particules dans l'air. Ça fait un peu comme des spermatozoïdes qui sont en suspension dans l'air. Et au niveau du champ, quand je regarde par exemple en haut, comme ça, ma tête, c'est pareil. Ça tourne autour de moi, comme s'il y avait un champ autour de moi, comme ça, de particules. Alors j'ai cherché, cherché. Je sais que l'astral est tout courant de ça. Ils ont fait croire que c'était des particules adamantines. particulier d'Amantine, ça fait un petit peu poétique, hein. Mmh. Et c'est voulu, ça. Parce que l'astral, il veut pas que tu sois conscient. Conscient, il y a science dedans. Jamais l'astral ne parle de science. Il parle de divinité. Il parle de miracle. De Il parle croyance. comment? De croyance. De croyance, c'est ça. Et donc, ils vont t'embobiner avec ça. Et à un moment, tu te dis, ça va pas. Il y a un truc qui va pas avec eux, quoi. Non, mais c'est intéressant la vision parce que, dans le fond, l'intégration de l'énergie, peut altérer ta perception. Est-ce que toi, tu vas voir, mettons, les champs d'énergie un peu qui entourent les gens? Non, pas ça. OK. Je, par contre, au niveau, je vois par exemple, ça me le fait plus actuellement, mais à l'époque, je voyais des ronds de couleurs, des hexagones, beaucoup d'hexagones, tu vois, de couleurs un peu différentes. Ça passait des couleurs chaudes aux couleurs froides, mais en intensité, si tu veux. Genre quand je regarde le soleil, au bout d'un moment, au bout de 2, 3 minutes, je le vois violet. OK. Donc au niveau de ma vue, il y a des changements perceptifs, oui, qui sont opérés. Ça c'est clair. Je reviens à ces espèces de petites particules. Il y a quelqu'un dans le supramental qui m'avait dit, ça s'appelle, tu vois, des particules de Higgs. Higgs. C'est des particules apparemment qui sont en expérience au CERN. J'ai regardé, j'y comprends rien. Vraiment, c'est compliqué de toute manière au niveau scientifique. Pourquoi? Parce que Oui, ben c'est les particules les plus fines qu'on découvertes. Mais tu sais, je veux dire, quand on fragmente en dessous de l'atome, il y a les quartz. Tu sais, ça fait partie des particules subatomiques. Mais peut-être que dans 10 ans, on va découvrir une autre particule encore plus petite parce que l'infini petit, tu sais, des catégories. Mais en lien avec ce que tu dis, dans le fond, percevoir l'énergie qui vibre dans l'air, j'en ai déjà vécu de tout ça. Des fois, j'entre dans des états de transe légère. Puis je vois ça. Mais dans le fond, en lien avec l'intégration de la descente de l'énergie, il y a comme une deuxième vision, je trouve, qui s'installe avec le temps qu'on n'avait pas quand on était plus jeune. tout à fait, c'est tout à fait ça, ouais. Il y a tout le monde, de toute manière, en énergie, il y a quelque chose qui est flagrant. Même parfois, j'entends des choses de Bernard, des choses comme ça. Il y a eu énormément de modernité par rapport aussi au supramental, des choses comme ça. Il était bien seul. Je peux te dire qu'il était bien seul à l'époque, hein. Mais justement, Et par rapport à Bernard de Montréal, dans ton cheminement, c'est en quelle année que tu l'as découvert? il y a 8 mois. C'est tout récent. J'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout perçu, et ça a été un grand soulagement parce que j'avais dû te le dire comme ça dans le point de vue qu'on avait fait. C'est très marrant. Un jour, je parlais à une femme. Alors, les femmes, j'ai tout. Alors, même dans le spirituel. Elles reçoivent tous les énergies plus vite que les hommes. Mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai vécu des choses si tu veux, en synchronicité, avec des femmes, mais qui étaient spirituelles. Mais il y a une fabulation terrible. Il y a un moment donné, quand tu commences à tomber dans la croyance, au niveau spirituel, ça va très loin. Et elles vivent des choses qu'elles peuvent voir, mais c'est des choses de l'astral. Et comme elle voit les formes et pas ce qu'il y a derrière la forme, c'est foutu. Donc, j'étais triste un petit peu de voir ça, Ben oui, mais parce qu'il y a beaucoup de désinformation en lien avec la médiumnité astrale, puis la naïveté que voilà. les gens vont avoir. T'sais. Si la personne n'a pas la capacité de pénétration psychique pour voir l'essence des choses pour qu'elles sont réellement, ben elle va se faire désinformer. Tu sais quoi? Oui. L'astral, c'est s'ils sentent que des personnes sont faibles, tu vas avoir des énergies du cœur. Chose comme ça. Par contre, tu n'auras pas la tête. Non, c'est ça. Souvent, ils vont dire, ah, il faut que vous soyez dans l'amour du cœur, l'ouverture du cœur, mais c'est parce que c'est pas une ouverture intégrale. Par contre, je vais te dire aussi une chose. Oui. L'inverse est valable aussi. Quand tu prends mental, le cœur, parfois, c'est pas trop ça. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, mais les énergies sont pas forcément intégrales de partout. Il y a, je suis complètement OK avec le supramental, avec Bernard. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose quand même, tu vois, quand j'écoute Bernard, ce que je vois, déjà, je te dis, il était seul. On voit bien, il s'est protégé même, il s'est protégé de toutes les émotions. Et à un moment donné, tu peux garder un tout petit peu d'émotion. Cette émotion-là, il y a un moment donné, elle est fiable. Elle est fiable parce que ça te regonfle tes centres énergétiques et il peut y avoir parfois quelques larmes qui coulent, mais c'est pas grave, tu la maîtrises. C'est ça, c'est un peu le début, c'est un peu le début Ah ben quoi que lui, ça y arrivait parfois, Bernard, à quelques reprises, il a quand même pleuré en public. Il pouvait pas faire autrement, il faut qu'il libère. Quand tu pleures ou quand tu as des choses comme ça, il y a de l'eau qui coule, c'est la libération de mémoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est par l'eau que ça se libère, les mémoires, les comment. Et il y a un moment, c'est plus possible, tu peux encaisser tout ça, quoi. Bon, alors, Ben, quoique je dis peut-être que dans son cas, c'était pas de libérer de la mémoire, parce que quand il a vécu la fusion en 69, beaucoup de mémoire a été brûlée. Peut-être c'était tout simplement pour extérioriser un surplus d'énergie. alors, la mémoire, c'est les émotions, hein. Oui. Ben oui, dans les mémoires, c'est pas les émotions qui sont dedans. Les mémoires, elles sont émotives. Forcément. Oui, c'est Donc, ça, il y a mais je veux dire, quelqu'un qui pleure, ça peut être aussi. Pas juste l'extériorisation de mémoire, mais ça peut être aussi en lien par rapport à la beauté qui touche la personne, qui l'émeut. Ah ouais, c'est une belle émotion. Mais bon, il ne faut pas en abuser non plus. Il y a un Oui. moment donné, il y a un moment donné, c'est que la supraconscience, elle est là pour ça aussi. Quand tu deviens conscient, quand l'esprit se révèle, l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est quoi? L'esprit, qu'est-ce qu'il dit quand il y a quelque chose, il vient t'avertir pour dire il est temps. Il te montre des choses, il te montre des choses, et je peux te dire, c'est intelligent, et c'est froid. Oui. Ça te colle au cul. Oui, parce Et qu'avec l'esprit, tu peux pas être complaisant. Ouais. mais c'est une autre. Alors, si tu veux, moi sur Terre, il y a des choses. Je dis, écoute mon coco, si je veux être aussi heureux, j'ai besoin de ressentir encore des choses. Il n'est pas question que je m'éloigne, si tu veux, de certaines, juste cette émotion-là, parfois qui me fait vibrer, parce que je vois pas comment tu peux vibrer si t'as d'émotion, ou alors t'es pas vivant, voilà. T'es pas vivant, donc c'est la comprendre, c'est pas l'annihiler complètement, c'est pas combattre tout, Non, c'est non. tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça, c'est pas un rejet de l'émotion, mais c'est peut-être plus de l'intégrer l'émotion en fonction d'une compréhension multidimensionnelle du réel, puis une harmonisation de l'énergie de l'émotion avec l'esprit. Voilà, tes énergies, tout ça, il y a un moment où tu peux Exact. harmoniser ton être et de ce fait vraiment être en joie. La vraie joie, c'est aussi ça, c'est d'avoir cette petite perception. Et puis pour moi, si tu veux, par exemple la fusion, des choses comme ça, c'est pas une finalité. Il y a un moment tu te dis, il y a un truc qui se passe en moi, j'ai complètement changé, mais c'est pas une finalité. Il y a toujours, si tu veux, quand je me réveille tous les jours, je suis heureux de voir qu'il y a des choses qui vont encore m'être apportées par rapport, si tu veux, à ce que j'ai envie de vivre ce jour-là. J'ai confiance maintenant. J'ai confiance. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir la confiance. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a une hypersensibilité. T'es perméable à plein de choses. T'es perméable longtemps, longtemps. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se réveille en toi, et tout ce qui était mort est remplacé par du vivant. Il y a un échange comme ça de choses. Il y a un truc aussi qui se passe, mais ça, Oui, ben j'aimerais c'est bien en parler. intéressant ce que tu mentionnes, c'est-à-dire qu'une transmutation de l'aura qui s'opère, c'est-à-dire à mesure que les énergies descendent, de l'esprit, l'énergie astrale est tassée. C'est ça. Je te parle simplement avec des mots simples. Je peux faire aussi le malin, si tu veux, utiliser des mots, tout ça. C'est vraiment pour dire aussi, si tu veux, si j'utilise des termes comme ça, un petit peu naïfs, tout ça, je t'assure que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver au clochard dans la rue. Le Oui. problème, c'est n'importe qui. Et j'ai toujours été, si tu veux, j'ai toujours travaillé, toujours eu compagnie des gens simples, souvent rejetés, parce qu'il y a quelque chose qui c'est une attirance, si tu veux. Je les trouve plus vrais. Il y a moins cette envie d'être dans la matière. Profiter de la matière, c'est très bien. Chacun fait ce qu'il. Mais il y a un moment donné, si tu veux vraiment t'épurer, si tu veux vraiment vivre ton initiation, comme on dit, l'initiation solaire, bah, t'es obligé de passer par des petites souffrances. Hein. Je n'ai pas envie de faire peur, parce que psychiquement, si t'es fort, ça se résout très très vite. Et après, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, tu prends plaisir à revivre. Honnêtement, je suis resté comme ça, 3 ans sans pouvoir prendre, si tu veux, la mesure. J'aime bien quand Bernard il dit l'intelligence, la volonté, hein, et l'amour. La volonté, la volonté, la volonté, la volonté. D'un moment, ça rentre. Parce que je peux te dire qu'il martèle là-dessus. Et ça m'a fait énormément de bien. Ben oui, parce Là, que c'est des principes fondamentaux pour l'intégration de la conscience. fondamental et très occidental. Donc, il y a eu un changement, si tu veux, par rapport à ça. De passer de la divinité à l'intelligence, à la conscience, à surtout, si je dirais, l'objectivité des choses. Et ça, c'était pour moi fondamental parce que j'ai rejeté la science. Il y a un moment où je rejetais tout. T'es maintenu, hein. Si t'es spirituel, t'es maintenu dans un truc. Ça fait rien avancer du tout. Et Bernard, c'est venu comme ça, de manière par synchronicité, par rapport à des faits, des choses comme ça, vraiment par synchronicité. Et après, j'ai, grâce à cette nouvelle science, bah, j'ai découvert des gens très intéressants. Très intéressants. Ben moi aussi, ça m'a permis de découvrir des gens intéressants qui s'intéressent au supramental. Il y en a d'ailleurs plusieurs sur Facebook. Mais ce qui est intéressant de voir dans ton cheminement personnel, c'est que tu as vécu plusieurs expériences avant de t'intéresser au supramental. Donc, autrement dit, tu as expérimenté des changements pour ensuite avoir une compréhension, parce que Bernard l'exprime très bien, il est très précis, il est très clair dans son vocabulaire de qu'est-ce que les gens vivent. Hein? Il y a prendre conscience, et après, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait ça, c'est l'ancien et le nouveau. Et se comprendre, c'est de voir ton parcours et pourquoi il t'a mené jusqu'à ce que tu es maintenant. Et tu vois plus clair. Et tout est OK. Dans ces cas-là, tu peux plus te rejeter. Tu peux pas culpabiliser. Tu peux pas te dissocier. C'est la réunification. Alors, et toutes ces énergies-là que je les ai toujours. Il y a des choses, je les ai toujours. Cette sensation dans la poitrine qui m'aide à affronter le monde, à être un petit peu, si tu veux, c'est comment qu'on appelle ça, être résilient, tu vois, par rapport, c'est-à-dire je prends, mais je vais pas, si tu veux, aider forcément. Je peux exprimer, je peux, mais je pour l'instant je peux pas aider, hein, je vais faire des conneries. Et je sais que j'ai des fonctions à découvrir en moi, et il y en a qui appellent ça des dons, ce que tu veux, quoi. Et ça commence à être perceptible. Et j'ai envie de faire ça dans le plus simple appareil, vraiment, mais si tu me vois, je te parle normalement, je vais pas te parler autrement, je peux pas te dire, ce serait faux de ma part. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit rien. Qu'on se dise, waouh, ce mec-là, il est extraordinaire, ou tu vois, des choses comme ça, c'est pas bon, ça. Non, mais ben, faut pas que les gens soient fascinés ni par toi ni par moi, parce que sans ça mène des déséquilibres, là, mais Oui, oui. ce que tu dis, être. Et c'est ça aussi, si tu veux, c'est une part d'humilité. Pas penser que tu es humide, oh, je suis humble et tout. Le truc que j'ai un petit peu mal, c'est être à l'écoute des autres. Tu sais, laisser la personne. Je suis un signe de feu complet. Ah, c'est quoi Utiliser ton la pluie. signe? Pardon? C'est quoi ton signe? Ah, le signe, il a ses balances. Mais si tu veux, quand tu fais ton thème astral, donc ça c'est avant, parce que le thème est quand même, si tu veux, au niveau du caractère, des choses comme ça, j'ai 90% de feu. Le reste, c'est de l'air, j'ai pas de terre et j'ai pas d'eau, des choses comme ça. Et je suis très, très enthousiaste, très partant. Et en même temps, il y a ce petit côté aussi où j'aime me ressourcer seul, un peu en famille, avec ma femme, rester tranquille. OK, puis c'est quoi ton ascendant en astrologie? Sagittaire. Sagittaire. Ah, ben Sagittaire, c'est le signe de feu. Tandis que moi, je suis Verseau, ascendant balance, donc double signe d'air. Ah, ouais. Et c'est intéressant, l'astrologie dans une petite mesure, c'est-à-dire, tu regardes ton pourcentage, par exemple en feu. Alors parfois tu peux avoir ton signe solaire et ton ascendant, mais c'est pas forcément les signes qui sont dominants. Par exemple, chez moi, le signe dominant, c'est le Sagittaire, la Balance et le Lion. Tu vois? Et après, quand tu fais une petite étude approfondie avec les caractéristiques, on va dire des planètes, des choses comme ça. Tu t'aperçois qu'il y a des choses extraordinaires, c'est-à-dire que ton parcours de vie peut être influencé par ça, hein, par rapport à ta marque de naissance. Et, mais c'est rigolo, pas plus, hein, Oui, non, il ne faut mais... pas prendre ça trop au sérieux. Puis de toute façon, la descente de l'énergie qu'on peut vivre va altérer Oui. l'influence de l'astrologie sur nous, dans le sens que si on vit une descente de l'énergie de l'esprit, ben, elle va balayer les liens psychiques qu'on peut avoir par rapport aux amours planétaires. Ça. Mais par contre, ça peut aussi y a des choses, ça les, si tu veux, quand tu balances les énergies, il y a un moment, moi je ne les contrôlais pas trop, quoi. C'est très très très très fort. Il y a ce phénomène-là. Ça, j'aimerais un jour, si tu me le permets, Oui. André Landreville, hein, Qu'on connaît, que j'ai d'ailleurs Patrick. interviewé sur cette chaîne, oui. Ouais. André qui a un caractère très scientifique et tout. Alors, tu vois, je passe les extrêmes à la divine. Voilà. Et elle m'a dit des choses, si tu veux, sur les énergies, où c'est très scientifique, c'est-à-dire ça t'atteint des parties du corps, comme le cervelet, des choses comme ça. Et elle m'a dit, c'est des descentes d'énergie, mais tu as des résistances. Tu vois, elles peuvent pas tout passer. Donc, ça bloque là, dans la gorge. Et c'est très, très douloureux. Et en 2014, ça voulait descendre. Et comme j'étais fou furieux, comment veux-tu que l'énergie descende? Tu vois? Ah, je dis, d'accord. Ouais, je dis, toi, tu apprends des choses comme ça, c'est formidable quand même. Non, Donc, non, il y a, c'est ça, mais elle a c'est cette... intéressant d'étudier à ce moment-là s'il y a des endroits que l'énergie bloque. C'est quoi qui fait en sorte que ça bloque? Est-ce que c'est des résistances de l'ego, de l'orgueil? C'est quoi? Tout, un peu tout seul. OK. Il y a pas... Après, tu fais le travail sur toi, ça se fait progressivement, parce que c'est insupportable de toute manière, donc tu es obligé de lâcher, quoi, à un moment donné, quoi. Mais en parallèle, tu as les autres énergies aussi qui sont là, quoi. Donc c'est toute une gamme, tu vois, qui vient. Moi, je prends ça comme ça. En fait, c'est des énergies qui viennent, c'est une opération, hein, c'est un check-up cosmique. Oui. Et je peux te dire qu'après le check-up, un lifting, parce que tu rajeunis un peu, c'est mieux. Et tu vois ta peau, tu vois des choses qui s'embellissent. Là, en espèce de peu de temps, j'ai perdu énormément de kilos. Parce que la nourriture, je la regarde, je me dis ça, ça, ça, et les quantités, elles sont précises. Tu vois, je les calcule pas, elles sont précises. Je dis ça, et ça suffira. Et je pars la journée avec ça, tu vois. Oui, non, Même parfois. je comprends ce que tu vis, parce que moi, des fois, ça me dit intérieurement, tu manges telle chose, mais pas telle autre chose. Puis il y a une épuration aussi de la nourriture qui fait en sorte que des choses que, au fil du temps, en tout cas, moi, j'ai été obligé de délaisser beaucoup la viande. Ouais. C'est suivant chacun, tu vois. Il y a, c'est là aussi être un peu nouveau, c'est d'être conscient de tout ça, quoi, de conscient mais sans analyser, bon, parce que c'est fatigant. Non, La non, c'est ça, il ne faut mentalité. pas intellectualiser le processus, mais oui. Je peux te dire, David, parfois, je t'écoute, je rigole parce que, par exemple, comme par exemple, tu as eu ton accident, Oui. tu dissocies un petit peu. Alors, l'esprit, je pense qu'il y a un moment, il était, ouais, il m'a laissé faire, mais bon, tu vois que ça me fait halluciner, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où tu es toi, complètement toi. Hein. Y a pas, j'ai jamais dissocié, si tu veux, les trois, l'esprit, l'âme et l'ego. Tout doit être en même temps. D'ailleurs, je peux te dire une chose, c'est que au niveau des transformations physiques, deux ou trois fois, l'esprit est intervenu. Et comme je suis un rebelle, un emmerdeur, et qui n'a besoin de personne, tu vois, alors là-dessus, attention, j'ai besoin de personne. Ça, il y a l'ego là-dessus. Ben là, c'est ça que j'allais dire, là. Voilà, je me démerdais, il le sait. Il le sait, il n'a pas bougé. Pourquoi Bernard, à l'époque, faisait de la télépathie? Évidemment, pas qu'on a ça. Ouais, c'est une Eh bonne ben, question. Oui, ah vas-y. ben, écoute, combien d'initiés il y avait à l'époque? Ben, dans le temps de Bernard? Pas beaucoup. Ben, non, c'est ça. Hein? Pourquoi il a fait de la télépathie? Il fallait bien qu'on lui transmette quelque chose. Pour qu'il le dise aux autres. C'est un canal. Ouais. Il n'y en avait pas d'autres. Il a signé pour ça. Ça n'a pas été marrant. Je le dis tout de suite. Hein. Non, non, je sais, il a vécu des grandes souffrances. Et nous, les petits, on n'a pas besoin. Tout est dit. Il n'y a pas besoin de tout le temps, si tu veux, analyser le personnage. Tout est dit. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Démerdez-vous avec ça. Tu vois? Et il y a un moment, tu vas pas tourner la question dans tous les sens. C'est intégré. Qu'est-ce qui va pas? Là, c'est à chacun de voir. Et Bernard, 8 mois, 6-8 mois, là. Je vais pas non plus me les passer en boucle. C'est tout ce qu'il dit, c'est nickel, c'est parfait. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est sûr que dans le fond, tout a été dit. Moi, je n'écoute pas nécessairement ces enregistrements pour apprendre des choses, mais c'est plus de baigner dans sa vibration, dans laquelle il est quand il dit ces choses-là, qui est agréable, je trouve. C'est agréable. Je suis entièrement comme toi. Il y a l'autorité. Il y a un petit peu d'émotion aussi de temps en temps. Il a beaucoup de sens de l'humour. Il a beaucoup de sens de l'humour. Ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a un détachement quand même par rapport à ce qu'il Mais disait. sens de l'humour, tu sais, ça dépend des collections d'enregistrements, comme celle réservée aux séminaristes où il parle tout seul, puis il n'y a pas d'intervieweur. Là, il parle d'une manière plus formelle, puis il n'y a pas d'humour. Tu sais, quand il parle de la Ah oui. mort du vieil ego, puis tu sais. Mais il est c'est un personnage et puis il a été choisi pour accompagner. Oui, il s'est choisi. C'est comme ça, il a vécu, je pense. Il a jamais trop, je crois, hein, parlé de son initiation quand il souffrait au niveau énergie, tout ça. Ça, j'aurais aimé savoir s'il avait eu, mais c'était en fait, non, tant mieux, on ne sait pas, tant mieux. Bon. C'est très personnel aussi, je pense. Maintenant, moi, je me livre pas en pâture quand je te raconte des trucs. Simplement, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire au niveau de phénomènes vécus, des choses comme ça, où on a une transformation, en quelque sorte. Bon, bah, c'est pour ça. Voilà, puis j'ai accepté de te parler comme ça et puis d'être soit transmis aux autres. Oui, c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager ton témoignage. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont se sentir moins seuls dans ce qu'ils vivent. Alors oui, c'est possible. Alors je sais pas, on aurait fait ça si tu veux dans un milieu ésotérique et spirituel, tu aurais tout le monde qui serait venu parce que là-bas ils ont les énergies faciles. Ils ont les énergies faciles pour une simple et bonne chose. C'est qu'il y a beaucoup d'hyper des femmes, surtout je crois qu'il y a des femmes hypersensibles qui. Enfin, j'ai une photo de femme qui s'appelle. Voilà, je te hop, voilà, je te revois. Et donc il y a. Quand tu es perméable, hypersensible, femme, psychisme plus approprié chez la femme, elles se font toutes gauler par ce truc-là. Elles tombent dans des trucs pas possibles et, comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment, elles peuvent faire leur vie autour d'entités astrales. Et elles le vivent, c'est je. Et elles vivent toutes ces transformations aussi, physiques et tout, et ça va les mener où? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais je veux juste quand même rectifier le propos dans le sens que il y a des femmes, il y a aussi des hommes là-dedans, tu sais, il faut pas. n'est pas beaucoup d'hommes qui ont Oui, c'est les. plus féminin, tu as raison, mais je veux dire, quand même, il ne faut pas non plus généraliser en disant que c'est juste des femmes, là. Ah non, moi je connais que des femmes. Voilà, OK. là-dessus, voilà. La particularité, c'est que au moment de, si tu veux, de discuter, souvent c'est les femmes qui découvrent quelque chose. T'inquiète pas, David. C'est la femme qui te choisit, hein. C'est pas toi qui choisis la femme. Non, ben, je peux très bien comprendre, surtout si, admettons, dans un couple, c'est la femme qui va avoir les enfants à l'intérieur d'elle. Tu sais, c'est comme logique que c'est elle qui choisisse. C'est découvrir un petit peu elles ont du pouvoir, un pouvoir qui est très. Les femmes ont un pouvoir, bon, bah, un petit peu annihilé quelque part, comme ça, comme des idées très subtiles. Et souvent, les discussions sont beaucoup plus profondes. Peut-être qu'il y a aussi le fait que ce soit du sexe opposé, deux femmes, bon, pas forcément, ça je sais pas trop, mes références sont que des femmes. OK, parce que moi, j'ai été en contact avec des hommes, des femmes, autant dans le nouvel âge, la spiritualité, parce qu'avant de m'intéresser au supramental, j'ai touché à ça, dans le supramental aussi. Non, il y a des gens de tous les sexes. Ok. Mais bon, moi c'est par expérience, hein. OK. Après, quand je ne peux pas dire oui avec les hommes, je ne sais pas trop. De parler d'hommes où j'ai rencontré qui soient vraiment ouverts, je perçois, par exemple, en toi, une ouverture au niveau de ce champ-là, quoi, un petit peu. Après, c'est, si tu veux, au niveau global, c'est-à-dire une transformation physique et tout. Je sais pas comment ça se passe dans le supramental et tout. C'est très difficile parce qu'on peut pas mettre des étiquettes. Il y a un moment donné, tu peux faire une jonction entre le spirituel et le supra. C'est-à-dire que si tu réalises que tu as fait un travail pour améliorer, si tu veux, des défauts que tu avais, c'est-à-dire si tu étais quelqu'un de vindicatif ou des choses où tu étais pas très agréable à vivre ou tu manquais de bonté, des choses comme ça, c'est vachement enrichissant, hein. Mais après, voilà, tu évolues différemment. Le C'est contraire ça, n'est pas mais possible. tout est interrelié dans le sens que, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à vivre le processus de changement, j'ai senti que des énergies me rentraient dedans. Il y avait une coloration spirituelle, puis avec le temps, ça s'est dépouillé. C'est comme si un peu l'énergie, je l'apercevais avec des couleurs comme du rouge, du vert, puis avec le temps, ça s'est tassé, puis c'est devenu plus blanc. Ouais, c'est, tu vois, vraiment au niveau des énergies, des choses comme ça, c'est pas, c'est très particulier, hein. Sur chaque être humain, ça va être particulier, je le pense. Bon, maintenant, si tu, je sais pas, voilà, je vis ça, j'ai vécu ça, ça a été, à l'époque, c'était un petit peu, tu vois, quand tu as ton premier orgasme, bah, il y a eu un avant, un après. Donc, j'ai eu ce premier orgasme-là, qui a été dans la poitrine. Tu revis, mais différemment. C'est pas animal. Là, c'est, eh ben, ils vont dire, c'est spirituel, ce que tu vis. Appelle ça comme tu veux, mais il y a cette renaissance. Voilà. Ça a commencé comme ça. Oui, ben d'ailleurs, dans le domaine de la conscience, il y en a qui vont parler de la seconde naissance. Ah, d'accord. Donc, renaître en esprit après être né au niveau physique, biologique, à travers le corps de la mère, la Ouais. personne, si elle vit le processus, bien, elle vit la seconde naissance, c'est-à-dire qu'elle renaît en tant qu'être en contact avec l'esprit, la conscience, peu importe le terme qu'on peut y donner, là. Ouais, c'est pas trop coloré en plus, donc c'est une belle phrase. Ouais. Et, voilà. Et j'aime bien en arriver aussi à là, c'est-à-dire trouver la quintessence, tu vois, de ce que tu peux dire. Pour t'adresser comme ça, tu vois, pas de coloration. Bon, c'est ça qui est intéressant. pour ça, toi, t'es chapeau, toi. Ah ben, Ça mais punit. merci, mais tu dis des choses intéressantes aussi. C'est sûr que l'un de mes objectifs, c'est de faire un travail continuel sur la parole pour que je sois de plus en plus ajusté pour décrire avec précision le réel. Et souvent, voilà, il y a. Parfois, je trouve que dans le Supra, parfois c'est un petit peu trop technique, un petit peu trop tourné vers des appréciations, on va dire, qui viennent un peu de l'extérieur. C'est-à-dire, tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Si, là-dessus, tu vois, par exemple, Bernard Montréal, il dit telle chose, il décortiquait, décortiquait. Mais nous, il faut pas décortiquer, faut, tu vois, le relier. Mais il a tout fait, il a fait cette gymnastique-là et tout. Mais ouh là là là là, j'en vois beaucoup quand même qui se cherchent, tu vois, il faut simplifier. Il y a un moment, il faut être simple. Faut se dire, faut arrêter quoi, de chercher dans tous les sens, se connaître. On n'est pas Bernard. Bernard, c'est Bernard Oui. et les autres, c'est les autres, c'est tout, quoi. Il a juste donné, il a donné des principes, même plus que des principes, c'est intégral ce qu'il a donné, quoi. Et à un moment, on se dit, voilà, il faut faire son chemin, et puis passer aussi à la vitesse supérieure. Et ça, c'est Non, notre rôle. non, c'est sûr que les gens doivent pas être fascinés par Bernard puis essayer de l'imiter comme certains sont devenus des sosies d'Elvis Presley en l'imitant. Ouais, mais je pense que là maintenant il y a les gens ils ont bien je pense qu'ils ont bien compris là actuellement ce phénomène-là de toute manière il y a ça je m'inquiète pas pour ça quoi mais bah, voilà quoi c'est comme ça OK, puis sinon, je suis curieux de t'entendre s'il y a des gens qui t'écoutent, qui vivent des phénomènes de descente d'énergie comme tu en as vécu dans le passé, est-ce que tu aurais des conseils à leur faire? Bah, c'est intégré. Alors, intégration, digérer et diriger. Laissez faire. Voilà. Intégrer, laisser intégrer. Après, tu les digères. Et après, c'est diriger. C'est très simple. Il faut un lâcher prise par rapport à ça. Oui, mais en même temps, c'est délicat parce que quelqu'un peut être pénétré par différents types d'énergie. C'est-à-dire que c'est ça l'affaire. Il peut y avoir d'énergie astrale, d'énergie mentale, donc il y a Pas différents. d'énergie astrale. C'est toi l'astral. C'est toi qui crée ton astral. Si t'as peur, si t'as l'astral, ça se vainc, ça, tu peux le vaincre facilement. Oui, c'est sûr que l'individu peut participer à créer son astral s'il laisse les énergies être diffractées à l'intérieur de lui et puis être colorées, c'est sûr. Mais l'énergie, c'est l'énergie. C'est tout. Il Oui, n'y a pas mais il de. existe quand même des entités astrales sur le monde de la mort qui vont essayer de pénétrer des individus. Oui, ouais, j'ai eu ça. Comment? Ouais. J'ai eu ça. Ouais. OK, bon, fait que c'est sûr que il y a Il y a un quand. moment, si tu rencontres ça, oh bah, je peux te raconter une petite rigolote quand même. OK. Il y a un matin, peut-être 7 h du matin, quelque chose comme ça. Il y a un moment, il y a un truc qui s'est collé dans mon dos. C'était ma femme. Une espèce de succube. Une succube. J'étais là. OK. Ah! J'ai dit, tu sais, ah, je t'ai arraché ça de mon dos et tout. Je vais la voir. Je vais la voir et je lui dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as, t'es venu, tu t'as voulu me faire du mal dans le dos et tout. Je lui dis, regarde, t'es pas bien un peu et tout. Donc t'es bien resté dans le lit. Elle me dit, ouais. Bon, écoute, je sais ce que c'est. C'est une provocation. C'est une provocation, des choses comme ça. J'ai eu des provocations, c'est un nombre de fois. Ça va loin, parfois. Quand tu rêves, tu sais, le couloir que tu traverses avec des araignées, des toiles, c'est le mental qui déconne, ça. Ça, c'est tout ce qui, voilà, c'est des résistances que tu as en toi, mais bon, voilà, des rêves, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un moment, tu peux plus être, un moment, tu te dis, mais c'est trop délirant, ça, c'est, et tu maîtrises, après tu rejettes. Ben, quoique la question du rêve peut être intéressante à aborder, parce que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, comme l'a formulé Bernard de Montréal, ben la pensée que tu as dans le rêve, elle vient pas de toi. C'est ça. Y a des choses, mais pas par rapport au descente d'énergie. Je crois pas. L'énergie, c'est l'énergie, et les pensées, c'est quelque chose de différent. De toute manière, quand tu as des énergies, ça peut pas être des saloperies qui viennent. Saloperies, elles viennent tester, quoi. Et si tu as un taux vibratoire qui est assez élevé, tu le gardes pas longtemps, elle se barre. Puis t'es Oui, pas. c'est ça, parce que les énergies plus basses sont pas capables de supporter le taux vibratoire. Ouais. Pas dupe, c'est pas dupe. Exact. Donc, comme je te disais tout à l'heure, un film d'horreur, mais question vraiment humoristique, quoi. T'es plus soumis à ça, hein. Il y a pas, quand t'as un travail avec les énergies aussi, ça te travaille surtout, quoi. Il y a un moment donné, quand tu changes de vibratoire, puis il y a plein de choses qui t'arrivent durant ton initiation. Tu vois le gardien du seuil, avant la mort, tu vois des choses comme ça, tu affrontes ton démon, voilà, moi j'ai fait tout ça. L'esprit m'a montré des trucs aussi, il m'a soumis à des trucs. Oh! Moi j'ai pas envie de tout raconter non plus, David. Non, il n'y a Peut-être pas de qu'on fera problème. une émission, parce que l'astral, c'est l'astral, mais il faut pas en avoir peur, tu le crées toi-même. C'est, tu crées tout ce que tu fais, la vision que tu portes au monde, tout, si tu portes. J'ai arrêté même, tu vois, par exemple, tout ce qui est horreur politique, tout ce qui est les problèmes avec peut-être d'autres races, des reptiles, des machins, des ceci, les trucs politiques, les trucs horribles avec des enfants, tu vois, tout ça, Hollywood, je regarde plus. Je sais. Tu sais tout ça maintenant. Pourquoi toujours mettre sa conscience, être curieux de ce qui n'est pas beau. Si tu portes ta conscience sur de belles choses, ça reste pas, tu restes sur une belle image. À la fin de la journée, tu es content. Non, Mais si mais tu en même temps, il faut pas non plus se mettre des lunettes roses pour voir la vie en rose, dans le sens que si on focus juste sur le positif, Bien sûr, ça peut je suis nous amener d'accord. à avoir une vision polarisée. Il faut pas non plus être avec des lunettes fumées puis voir la vie en noir, mais l'idée, c'est d'avoir les lunettes transparentes puis voir avec clarté le réel. C'est moi le seul point que je veux en venir. Ouais, si tu veux, bon, à un moment donné, quand tu vois, par exemple, tout ce qui se passe, et que ce que je te dis, c'est qu'après, il y a un moment donné, tout ce qui est occulte, tout ce qui est occulte relié bonjour, excuse-moi. Y a aucun problème. Vous voulez, madame? C'est ma femme. Ah bon, ouais. Tu peux la Tu saluer de ma part. as le bonjour de David. Bonjour. Bonjour. Ça vient? C'est bon? Ah, je veux pas, bon, elle veut pas. C'est pas grave. Non, mais c'est correct. De toute façon, on allait conclure bientôt. Mais en lien avec ce que tu disais, ben c'est sûr que je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas passer son temps à regarder des choses sur les reptiliens et amplifier le négatif à outrance, là. Non. Si tu peux créer aussi, c'est-à-dire que c'est ça aussi un peu la création. Mais alors, ça, c'est un grand ami, André, qui a fait un travail énorme avec moi pour me repositionner, dans la douceur, de me créer autre chose, tu vois. Et j'ai saisi beaucoup de choses par rapport à ça. On a une part de féminité aussi, donc à un moment donné, c'est à redécouvrir. Je dis que l'homme doit redécouvrir sa féminité intérieure, c'est être. J'appelle ça la suprasensibilité. La suprasensibilité. Ça, c'est génial, ça. Parce que tu deviens plus. Il y a toujours un souci de parfois avec une femme, un homme, des choses comme ça. Et ça, je ne veux pas le contrevoir. Je ne veux pas le contrevoir, ça. Il peut y avoir, tu sais, des attirances comme ça, physiques et tout. Et c'est bien de voir derrière. Voilà. Puis la C'est ça que je te sensibilité, ouais, ben la suprasensibilité auquel tu fais allusion, ça te permet de percevoir les choses au-delà du physique, c'est-à-dire percevoir les choses avec les sens subtils. Ouais. Oui, c'est en plus, si tu veux, là-dessus, mon travail, c'est de mon travail en ce moment, parce que je change souvent, mais là, ça me fait bien. Là, je m'occupe de, je fais de l'aide à la personne, les personnes âgées, OK, oui. et ça m'apporte énormément, autant que je leur apporte. Si tu veux, il y a un échange qui se crée, et c'est quelque chose qui vraiment j'ai pas une passion, mais j'arrive à voir des choses, si tu veux, par exemple une personne, tu vois, qui n'a plus d'oreille, qui n'arrive plus à entendre correctement, rien qu'un sourire ou des choses comme ça, ou t'as ton expression et puis la manière dont tu l'appréhendes, tu peux pas savoir le bien fou que ça leur fait, parce que une personne âgée, certaines, elles ont plus beaucoup de goût, mais il ne reste plus grand-chose non plus. Donc, j'aime bien cet accompagnement-là, tu vois, pour leur donner un moment de joie, les rassurer. Il y en a que je nourris aussi, des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est en adéquation avec le moment, avec ce que je vis, tu vois, de personnel aussi. C'est plein de choses comme ça qui t'arrivent de sympa dans la vie quand tu. Quand tu places ta conscience comme ça sur des choses intéressantes, il y a des synchronicités aussi. Oui, Ah, c'est ça. exactement, parce que dans le fond aussi, ton énergie est transmutée. Ben c'est sûr que par la suite, ton taux vibratoire est changé, puis tu peux amener une personne à stabiliser psychiquement, puis elle peut bénéficier de ta vibration par la suite. Par contre, c'est très difficile parce que c'est des personnes qui ne sont pas forcément conscientes. Sur un point de vue de savoir ce qui va se passer et tout, y a pas cette, il y a quand même une sensibilité et un bien-être, voilà, pas plus, hein. Il y a des personnes comme ça qui, si ça peut leur faire plaisir, ils ont fait quelques années à vivre, voire quelques mois certaines, bah, j'ai toujours eu de toute manière une attirance comme ça aussi pour les personnes âgées, une espèce de sagesse parfois. Oh, il y a des emmerdeurs, hein, ça je te dis pas. Là, ça redevient des enfants et des petits cons. Voilà, quoi. Mais bon, voilà, c'est pour le moment. C'est pour dire un petit peu aussi ce que je fais dans la vie. Non, non, mais je comprends, mais c'est sûr que si tu peux leur donner un peu d'amour dans leur vie, un peu de Voilà. joie, c'est ça, ça agrémente, tout simplement. Mais pour conclure l'enregistrement, étant donné que le temps file, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oh ben non, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a des choses que j'aurais pu après approfondir, tout ça, bon, si tu veux, sur les énergies, des choses comme ça, parce que j'ai pas fait tous les ventails, hein, je n'ai pas tout donné non plus, c'est pas le but non plus. OK. C'est difficile, hein, je peux pas la rajouter, parce que déjà savoir, je sais qu'on va. Les personnes qui vont nous regarder vont se dire, bah, c'est quand même spécial, comment je vais faire, par exemple, pour vivre ça, ou des. Parfois, ça crée des. Tu vois, un petit peu. Ah, je voudrais vivre ce qu'il vit, des trucs comme ça. Alors, bon, ça, je dis, il y a un moment, ça peut arriver. Mais, si tu veux, sur un parcours de vie, il y a parfois, quand il y a eu beaucoup de difficultés, mais pas renonciation, ça peut te tomber dessus. Oui, Et ben, puis moi. c'est ça permet de contextualiser les choses sur le parcours de vie, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être envieux, mais quand ils réalisent le prix à payer pour vivre des descentes d'énergie, des fois ils vont se tenir un peu plus tranquilles. Ouais, il y a ça, il y a une. Et puis de toute manière, tout ça, c'est programmé. Oui, c'est ça, c'est en dehors du contrôle de l'ego. Exact. Donc c'est bien. Énergie ou pas, de toute manière, pour moi ça change pas, ça ne change plus maintenant. J'en suis arrivé là, voilà, après de reproduire comme ça, quoi. À un moment donné il fallait que ça change, c'est arrivé comme ça, c'est bien, voilà. Et c'est pas fini, de toute manière c'est pas fini, voilà. Chaque jour suffit sa peine, on dit, il suffit son bonheur, Donc demain, c'est demain. Je vais vivre autre chose. Vois, même un boulot répétitif ou des trucs comme ça. Si t'as des, c'est toutes les perceptions dans la journée que tu peux avoir qui te font grandir. C'est les petits trucs. Hein. Il y en a, ça va être plus poésie, ça va être dans la nature. On a d'autres, ça va être plus autre chose. C'est l'hypersensibilité, la suprasensibilité. Voilà. De l'hyper, je passe à la supra. Et je reste sensible. Non, exactement, mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire, les gens évoluent selon leur programmation, puis en fonction de leur particularité. Ouais, ça, j'en suis certain. Exactement. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Phil Hype, là, pour tout le temps que tu m'as accordé là, pour cet entretien. Oui, bah, c'est super, David.